Chapitre 6e. Le capitaine Thorn dans l'embarras à propos d'un billet. En parlant de malheur accompli, on dit quelquefois, ou l'on entend dire, tout semblait y contribuer. Telle ou telle chose ne fût pas arrivée si les circonstances eussent été plus favorables. Or, si jamais quelqu'un eut à subir cette funeste influence des circonstances, ce fut à coup sûr Lady Isabel Carlyle, qui, malgré elle, se voyait obligée de supporter la présence du capitaine Levison à Eastline, et qui sentait renaître en son âme, avec plus de violence que jamais, tous les sentiments de jalousie qu'elle avait jadis éprouvés au sujet de Barbara. Barbara, qu'une idée seule préoccupait actuellement, celle d'arriver à prouver l'innocence de son frère, saisissait avec avidité toutes les occasions qui se présentaient à elle de se trouver avec le capitaine Thorn. Elle acceptait toutes les invitations qui lui étaient faites, chaque fois du moins qu'elle pensait rencontrer ce personnage. Elle recueillait avec ardeur tout ce qui pouvait contribuer à jeter quelque lumière sur son passé. Puis elle s'empressait de tout raconter à Carlyle. Jamais elle ne se rendait à l'étude de l'avouer, car elle redoutait les méchantes langues de Westline, et d'ailleurs elle pensait que cela pourrait éveiller des soupçons. C'était donc à Eastline même qu'elle allait trouver son confident, et qu'elle lui communiquait ce qu'elle avait pu apprendre. Quelquefois même, elle se rendait sur la route et l'arrêtait au passage à l'heure où il revenait de ses bureaux. Lady Isabel avait été témoin de quelques-unes de ces entrevues de Barbara avec son mari. C'était assez pour enflammer sa colère et sa jalousie, jeter le doute dans son cœur et troubler la tranquillité de son existence. Mais le misérable Francis Levison avait soin d'attiser cette jalousie en tenant Lady Isabel au courant des autres entrevues qu'elle ne pouvait pas voir et dont elle n'avait nullement connaissance. Il prenait un malin plaisir à guetter tous les mouvements de Carlyle et de Barbara. Il y avait un sentier à travers champs, bordé d'une double haie et menant de la route à la résidence du juge Hare. Chaque fois que l'avoué suivait ce chemin à pied, ce qu'il faisait d'habitude à cause de sa santé, qui s'en trouvait bien, tandis qu'il marchait sans soupçon, le capitaine Levison rampait comme un reptile le long de la haie, épiant ses moindres actes et assistant aux entrevues qu'il avait avec Barbara. Puis il se hâtait de retourner auprès de Lady Isabel et de lui communiquer ce qu'il avait vu, en ayant bien soin surtout de joindre à son récit de calomnieuses exagérations. Il nous paraît superflu de dire que Barbara ignorait entièrement la haine que lui portait Isabel, la jalousie qu'elle avait éveillée en son cœur. Comment aurait-elle pu soupçonner pareille chose? L'épouse de Carlyle, jalouse d'elle, d'elle qu'il n'avait jamais favorisée d'un regard d'admiration, d'un seul mot d'amour. Et cependant, telle était la vérité. Ces entrevues entre Barbara et l'avoué, loin d'être des épisodes d'amour, étaient pénibles et douloureuses, surtout pour elle, la pauvre enfant. Loin de ressentir une coupable satisfaction à chercher ces entrevues, elle les évitait tant qu'elle pouvait. Sans une impérieuse et terrible nécessité, sans son généreux dévouement pour Richard, elle n'y aurait même jamais songé. Malgré la vivacité avec laquelle elle avait un soir apostrophé Carlyle, malgré l'inconvenance de sa conduite en cette circonstance, Barbara n'en avait pas moins toutes les idées et tous les sentiments délicats d'une femme de son rang. Et s'il se hasardait à présent à braver les usages du monde et à rencontrer ainsi Carlyle en secret, c'est qu'elle était une femme de cœur, animée d'un but noble et grandiose, et qu'elle savait étouffer tout sentiment égoïste pour poursuivre l'œuvre de réparation qu'elle avait entreprise en faveur de son frère. Carlyle était assis un matin dans son étude lorsque son premier clerc, le vieux Dill, vint lui annoncer qu'un monsieur désirait le voir. « Je suis trop occupé pour recevoir en ce moment. » « C'est ce que j'ai répondu, monsieur. » « Mais j'ai cru devoir vous prévenir que c'est le capitaine Thorn. Il est venu avec John Herbert. » Carlyle leva les yeux et les tint fixés sur ceux du maître clerc. Leur physionomie à tous deux avait une expression singulière. « Faites entrer !» s'écria l'avoué. L'affaire, cause de cette visite, était des plus simples. Le capitaine Frédéric Thorn s'était mis dans l'embarras à propos d'un billet, ainsi que cela arrive à bien d'autres capitaines, et il venait consulter Carlyle. Le capitaine Thorn paraissait un bon diable. Il était amusant, sympathique et gagnait à être connu. Carlyle se sentait assez disposé à lui venir en aide, mais la pensée que cet homme était peut-être l'assassin de Harley John paralysait les bons mouvements de son cœur. « Vous me refusez donc votre appui ?» demanda Thorn, qui n'avait pu s'empêcher de remarquer l'hésitation de l'avoué. « Je ne dis pas cela, capitaine. Mais excusez ma franchise, j'aime à connaître mes clients, avant de me charger de leur cause. »« Vos honoraires vous seront payés exactement, » répliqua le capitaine. « J'ai même sur moi de l'argent comptant. » Car là, il partit d'un éclat de rire après s'être mordu les lèvres de dépit. « Vous avez mal interprété le sens de mes paroles, » continua-t-il. « Cela tient à ce que je me suis mal expliqué. » « Soyez convaincu que je ne songeais nullement à mettre en doute la solvabilité de votre bourse. Mon père s'était fait un principe de ne jamais prendre en main les affaires d'un étranger. Il fallait qu'un homme fût bon, moralement parlant, et sa cause bonne, pour qu'il consentît à l'entreprendre. Ce principe de mon père est aussi le mien. C'est par de tels moyens que la situation et le caractère de notre maison laissent bien loin en arrière la clientèle des autres avoués. Toutefois, en vous disant que vous êtes un étranger pour moi, je n'exprime aucun doute qui puisse vous blesser. Je ne suis que fidèle à mes habitudes. Il y a dans ma famille des alliances honorables, s'aventura à dire le capitaine. Pardon, la famille n'a rien à faire ici. Que le plus pauvre ouvrier, qu'un indigent vienne me demander un conseil, je le lui donnerai sur le champ et avec plaisir, pourvu que sa probité soit incontestable. Encore une fois, ce que je vous dis là ne saurait vous offenser. Je ne porte atteinte ni à votre probité, ni à votre honneur. Je me borne simplement à constater que ni vous, ni votre caractère ne me sont connus. » Le capitaine Thorn avait peine à s'expliquer un pareil langage de la part d'un homme de loi vis-à-vis d'un nouveau client. Il en était quelque peu ébahi, mais il y avait dans la voix de Carlyle tant de douceur et de courtoisie, dans ses manières tant d'affabilité, qu'il était impossible de se fâcher. « Eh bien, reprit le capitaine Thorn, comment dois-je m'y prendre pour vous démontrer que je suis un homme honorable ? Il me semble que mon grade d'officier devrait être pour vous une garantie suffisante. Prenez des renseignements auprès de John Herbert. Les Herbert sont vos amis, et ils n'ont pas dédaigné de m'offrir un appartement chez eux. C'est juste, interrompit l'avoué, sentant bien qu'il ne pouvait guère pousser plus loin ses objections, et qu'un homme est innocent tant qu'on n'a pas démontré qu'il est coupable. Je veux bien, pour cette fois, ajouta-t-il, vous aider de mes conseils. Mais si votre affaire a des suites, je ne puis m'engager à vous servir d'intermédiaire, car je suis réellement très occupé. » Le capitaine Thorn exposa alors ses embarras, et Carlyle lui indiqua la voie qu'il convenait de suivre. « Vous étiez à West Lynne, il y a environ 10 ans, » fit subitement Carlyle à la fin de la conversation. « Vous l'avez nié, je le sais, une fois en ma présence. Mais une observation qui vous échappa en cette occasion me porte à croire que vous y étiez très certainement. » « Eh bien oui, je l'avoue, » répliqua le capitaine Thorn, tout en ayant soin de baisser la voix. « Le fait est qu'étant jeune et fort étourdi, je tombais dans je ne sais quelle difficulté. Bref, c'était une affaire de galanterie. » Le cœur de Carlyle bat avec force. « Oui, je sais, » ajouta l'avoué avec intention, et la jeune fille s'appelait Affie Hallijohn. « Affie qui ?» répéta le capitaine en ouvrant de grands yeux, qu'il tint fixe avec étonnement sur son interlocuteur. « Affie Hallijohn, j'ignore de qui vous me parlez là, » fit le capitaine en souriant. « Vous n'avez donc jamais connaissance de la terrible tragédie qui, vers cette époque, ensanglanta ces lieux ?» reprit l'avoué en appuyant sur chaque mot d'une manière significative. « Le père de cette Affie Hallijohn, oh, permettez, j'y suis maintenant !» interrompit avec vivacité le capitaine. « Suis-je bête d'avoir oublié ce nom ? Parbleu ! Affie Hallijohn, c'est la jeune fille dont m'a tant parlé Tom Herbert, celle qui a disparu si singulièrement aussitôt après que son père fut assassiné. Oui, assassiné dans sa propre chaumière, presque sous les yeux d'Affie. Assassiné par... Car là, il s'arrêta brusquement. Il comprit qu'il allait se trahir. D'ordinaire, il était plus maître de lui-même. C'est Hallijohn, reprit-il avec plus de calme, avait été pendant bien des années attaché à la maison de mon père. C'était un employé fidèle et assidu. Et l'assassin était le jeune Hare, continua le capitaine Thorn. C'est là du moins ce que m'a appris Tom Herbert. Quelle calamité pour cette famille. Mademoiselle Barbara, qui est riche et jolie, aurait depuis longtemps trouvé à se marier, si cet affreux malheur n'était venu jeter une tache sur son nom. En entendant ces paroles, le front de Carlyle se colora légèrement. « Vous vous trompez, monsieur, » dit-il. « Ce n'est pas là la raison qui empêche cette jeune fille de se marier. Je connais plus d'un homme qui se considérait trop heureux de pouvoir obtenir sa main. Je vous crois. Et la petite fille, en a-t-on entendu parler depuis ? Jamais. « La connaissiez-vous bien ?» s'écria Carlyle d'un ton délibéré. « Moi, mais je ne l'ai jamais connue. Je n'en avais même jamais entendu parler avant que Tom Herbert m'eût raconté cette histoire. Voyons, continua l'avoué. Affi, nous le savons, distribuait ses faveurs, entendons-nous, ses sourires, ses coquetteries, d'une façon assez libérale. Elle était aussi étourdie que Ben. Au nombre des heureux mortels, qu'enivraient parfois ses regards, se trouvait un gentleman du nom de Thorne. C'était vous, n'est-ce pas ? Le capitaine se caressa la moustache d'un air de satisfaction, et qui semblait faire entendre qu'en effet il était enivré à cette coupe. « En vérité, murmura-t-il en souriant avec fatuité, vous me faites trop d'honneur. Je ne saurais convenir d'avoir reçu les faveurs de mademoiselle Affi. Alors ce n'était donc pas cause d'elle que vous fûtes obligé de quitter la localité ?» Carlyle, en lui adressant cette question, tenait ses regards fixés sur le capitaine de manière à ne laisser échapper aucune des nuances de sa physionomie, aucun des tons de sa réponse. « Non, bien certainement, » répliqua le capitaine. « C'était une femme mariée. » Le capitaine Thorne se leva et se retira assez précipitamment. Était-il ou n'était-il pas l'homme ? C'est un problème que Carlyle ne pouvait encore résoudre. Dit-il entra en ce moment, et fermant avec précaution la porte, il s'approcha de son maître et lui dit à voix basse. « Monsieur Archibald, est-ce que l'idée ne vous a pas frappé que cet individu qui sera l'instant ?» pourrait bien être le lieutenant Thorne dont vous m'avez parlé jadis. Oui, cette idée m'a vivement frappé. Ah, mon cher Dill, je donnerais volontiers, et sur le champ, 10 000 francs pour savoir au juste si c'est lui. Voilà plusieurs fois que je le rencontre depuis qu'il est chez Herbert, et naturellement, je me suis demandé s'il était l'homme en question. Une chose assez bizarre est arrivée hier. Je faisais un tour de promenade avec le docteur Bennett de Swainson, lorsque nous rencontrâmes le capitaine Thorne, qui reconnut le docteur, on se salua de part et d'autre, mais en connaissance éloignée. « Vous le connaissez ? » dis-je au docteur. « Oui, » répondit-il, « c'est M. Frédéric. » « Non pas M. Frédéric tout court, mais Frédéric Thorne. »« Je le sais, » ajouta Bennett. « Mais il y a quelques années, lorsqu'il était à Swainson, il se faisait toujours appeler M. Frédéric. Et dans toute la ville, on ne le connaissait que sous ce nom. » « Comment employait-il alors son temps ? » demandai-je au docteur. « Il s'amusait, il jouait de mauvais tours. En un mot, il menait la vie d'un jeune homme. Allait-il souvent à cheval ? C'était sa passion, » fit le docteur. « Eh bien, » ajouta le vieux Dill, « que vous en semble, monsieur Archibald, autant qu'il m'est permis de m'en souvenir, tout cela se passait précisément à l'époque de la tragédie de Hallijohn. John. « Ce que j'en pense, » répéta Carlyle, « c'est que c'est bien le même personnage. Telle est du moins ma conviction. » Puis, ayant prononcé ces mots, il se pencha en arrière sur son fauteuil, s'abandonna à une profonde rêverie et oubliant les papiers et les parchemins étalés devant lui sur son vaste bureau.